deep search. I'm such a to understand. Fail better. Fail. With you, my friend in jammers, my friend. Around between X back we Deux heures trente-sept. Greenwich. Late. It's not my enemy. Late is my friend. Late is no late. On the reed. C'est du placo ou c'est de la pierre? Ça prendra plus de temps. Ça prendra plus de temps. Ça prendra plus de temps à réchauffer. Quand c'est de la pierre, une fois que c'est chauffé, restitue un presbytère. C'est la pi. C'est le pire. Semblerait avant un superstitieux habitait là, un croyant. Avant il faisait encore plus semblant que toi dans ses murs habité. 6,4 degrés. Il faudra... probablement changer les fenêtres avant d'isoler le tout. Isoler. Isoler de quoi ? Pourquoi ? Pour aller où ? Dans le toit ? Sous la charpente ? Tuiles. Il faudra repeindre les volets. Assis, assis, assis. Probablement huiler les huisses. Probablement repeindre l'intégralité du bâtiment pour que ce soit présentable. Pour qui ? Pour toi ? Pour inviter du monde dans ton bâtiment. Il faudra encore huiler. Comme s'il en fallait. Comme si on n'en avait pas fait. Assez avant. Beaucoup de potentiel. Je sens. Une évidence, une catastrophe. Potentiel incroyable. Cela dépend le vent, la madrague. Calcifère parmi nous. Calcifère parmi nous. French touch. Run the way around. Des bûches de 80. Absorbé, anesthé, absorbé dans l'atmosphère. Yeah, yeah, yeah, yeah. How is so? How fumant, roulant. Cheminée exaltant magie la joie la bouffée de joie. Explorer dans l'herbe à 4 heures du matin. Quatre-vingts centimètres. Oh. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire. Fire, fire, fire. Oh my baby, I must be crazy. Need a fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Oh. Ah. Around the world. Sur la plage, abandonnée, coquillage, coquillage et crustes. Taking control of your house, I'm baby. Taking control of your house, house, house. Ow, baby. Around the world, toy, beginning, relativity, oh, serendipity, oh, ma. L'étincelle pourrait suffire pour allumer le feu, allumer Faya, Faya, l'Inde intercontinentale, Ninja Session French. Ouais, j'ai connu les granulés, j'ai connu les bûches, j'ai connu charbon, toutes les énergies, hein. Je suis passé au nucléaire. Sumer. Consumer. Sumer. Mais. Je m'en. Faya, faya, faya, faya, faya, faya, faya, faya, faya, faya. Je manque de faille. J'ai beaucoup de faille, mais. Voudrais du faya. Tu me donnes du faya. Give me some Yamata. Yamata. Fire, fire, fire, fire. En nucléaire. Thank you Darwin, thank you Goldfish. Thank you Universe. Thank you my friends, musicians. This ninja musician. Oh, around the world. Connection. Protection. Revelation. Need to go to the river. Need to go. No, no. Zone Céveso. Niveau 2. Quoi qu'il arrive, dans un rayon de 80 km, zone Céveso, niveau 2. Mais... remets une bûche dans ton presbytère, ça ira mieux. Terre. Semblerait qu'il y ait une question Celsius. Round the way. With my friend. It's possible. Latency. Oh. Semblerait. Oui. Dans un hamac, regardant les étoiles, deux pieds dans l'herbe, regardant les yeux. Star, Stella. Splendes ut solis ladium. Stella. L'étoile du berger froide, perdue, loin de nous. Insolation hivernale. Le froid m'engourdit, le froid me ralentit. Il semblerait que l'environnement impact. Plus ce que j'avais imaginé. Malgré tout, malgré mes scénarios de catastrophe, plus que ce que j'avais encore même pas imaginer. Ouais, peut évoluer vers scénarii. Des scénarii anglo sombre qui évoluerait. Evo, Evo. It's an Evo. It's an Evo. Une transformation, je dirais même pas ça. Evo, Evo, Evo. Le bâtiment se transforme petit à petit. Capable. Situation. Into the trees, into the... Not alone, not alone. In that forest. Everything is right. Everything. Des Utsulis Radio. Stella, Splendes, Good Solis, Radio. Genou. Arrête de courir. Courir. Thank you. baroque. Camarade, n'aie pas peur. Bientôt, bientôt, camarade, nous chanterons. Bientôt, bientôt, camarades, danserons. Au pied du volcan, taking control of your house. taking control. Au-delà des infrastructures, la beauté, expérimentale, au-delà. Une affection. me dis, je suis pas tout seul. Il semblerait. Le vent mauvais. Amorti, pression, l'impression, faut se mettre aux normes. S'adapter, coûte que coûte. Imagine ma frayeur.